Comtesse blonde par Marcel Collière. Chapitre 1er. Jacques Duchizy considérait avec une extrême mélancolie un portefeuille placé sur la table. 80 000 francs. Voilà ce qui restait d'une fortune jadis ronde et battue en brèche par le jeu, les courses et le reste. La veille, après une partie tout à fait insensée, il avait dû écrire à son homme d'affaires, lui demander de tout réaliser sur le champ, se faire tout envoyer en argent liquide. Il avait payé ses dettes, réglé ses différences au salon des courses et maintenant il possédait 80 000 francs. Lui, Jacques Duchizy, un revenu égal au salaire d'un cocher de bonne maison. Il pouvait d'abord ranger le capital, ensuite il verrait. En somme, il avait servi, passé par Saint-Cyr, par Saumur, était sous-lieutenant de cavalerie. Démissionnaire, il retrouverait bien un emploi qui lui permettrait de s'aller faire casser la tête sous quelque lointain soleil de pays barbare. Cependant, il songeait que depuis 2 ans, il avait perdu l'habitude de ne vivre que pour lui seul, de se considérer comme l'unique et absolu maître de ses actes. En somme, ce naufrage de sa fortune, causé par un retour soudain de folie, voilà longtemps qu'il était retardé par une douce, une bienfaisante influence. S'il n'était plus l'effréné viveur des premières années de liberté, ne le devait-il pas à la chère femme qui, pour lui, avait perdu son rang, sa réputation et l'immense fortune de son mari, à celle qui, depuis 2 ans, l'enveloppait d'une exclusive adoration, d'une dévotion amoureuse, exaltée jusqu'au mysticisme. Certes, son affection à lui n'atteignait pas à ses hauteurs d'enthousiasme, mais pourtant il avait été pris profondément par cette passion, la seule vraie qu'il eût jamais rencontrée. Et les serments et les irrémissibles paroles dites aux heures graves et qui enchaînent à jamais, il les avait prononcées avec une conviction réelle et la volonté de les tenir. Aussi, en y songeant, il voyait la gronderie caressante de ses yeux tendres. Leurs âmes étaient unies comme leur corps et s'appartenaient. Leur vie et, savait-il au fond de lui, leur mort. Il n'avait pas le droit d'aller se faire tuer pour se soustraire aux difficultés de l'existence, car il savait bien que son ami ne lui survivrait point. D'ailleurs, elle en avait pris l'engagement formel en un tel élan de passion, un tel emportement, qu'il s'était laissé gagner, qu'il n'avait pas refusé le sacrifice et que lui-même s'était lié aussi, par un serment achevé en un baiser, à l'une de ces heures inoubliées où les volontés survivantes s'exaltent et se subliment dans l'alanguissement des crises apaisées. « Quand l'un de nous mourra, l'autre le suivra », avait-elle dit. Et lui avait dit oui, très sincère, d'autant que ce mot « le mort » n'évoquait dans l'esprit du robuste jeune homme qu'une idée confuse et lointaine. Mais maintenant, le souvenir se faisait plus précis, s'imposait impérieusement, lui montrant un devoir librement accepté, et il essayait de lutter, de trouver des torts à sa maîtresse. Aussi bien, pourquoi était-elle partie? Que ne restait-elle à le défendre de lui-même, comme elle avait toujours fait? Quel caprice, au mois de mai, de s'aller enterrer dans ce château entre Houlgate et Villers, à l'heure où la vie élégante bat son plein à Paris? Il ne voulait pas s'avouer qu'elle avait besoin de repos et d'air marin et que c'était lui qui eût dû la suivre. Mais il s'était facilement laissé persuader de rester à Paris. N'avait-il pas ses chevaux, son écurie de course, et n'était-ce pas le moment des grandes épreuves qui approchaient? La douce femme avait parlé. Elle-même savait le faible de son amant, et les offres de départ, faites d'ailleurs sans grande conviction, elle les avait repoussées. Et bien qu'il l'aimât tendrement, il l'avait laissé partir sans trop de regrets, même avec un vague mouvement de satisfaction inavouée, satisfaction de collégien qui entrevoit un congé mal employé, et en fait, il avait bien mis à profit ces quelques semaines de veuvage. Il avait follement achevé de se ruiner, et s'était surpris à aller entendre 4 fois en 11 jours le pantalon à carreaux verts, une ineptie des bouffes, sans s'avouer formellement que les dents rieuses, les yeux et les cheveux de René Renault y étaient pour beaucoup. C'était le cas, d'y songer à présent, au point il en était, si encore il avait pu se refaire par quelque coup hardi. Sa jument favorite, Comtesse Blonde, était bien engagée dans le grand stiple. À courir le lendemain, mais il avait à peine quelques louis dessus, bien qu'il dût la monter lui-même. Elle n'avait aucune chance. Pot-au-feu, au baron Talbot, ou Rose des Prés, au comte d'Hérouville, la battrait certainement. Le reste du champ français était médiocre, mais il y avait encore ces diables d'anglais. En somme, la bête ne pouvait gagner. S'il courait, C'était surtout coquetterie de cavalier émérite, ce parcours long et dangereux étant rarement abordé par des gentlemen. Chapitre 2. Tout à coup on frappa. Entrez. Le valet de chambre apparut, un carré bleu tendu sur l'argent du plateau. Jacques ouvrit la dépêche machinalement. Mais au premier regard, les grêles lettres bleues sur la bande de papier collé dansèrent à ses yeux, dans le désordre de la ponctuation absente, sans qu'il pût lire ni comprendre. Et pourtant, de ces lettres confondues, il sentait sourdre un sens funeste, une catastrophe qui pointait dans quelques syllabes isolément perçues. Enfin, il se calma, se ressaisit, et lentement, un enfant qui épelle déchiffra. Paris de Houlgate, 829-15-11M. Affreux malheur, madame tuée, chute de cheval, morte appelant monsieur, Anna. Il se leva brusquement, blême. Houlgate, Anna, sa femme de chambre, elle, c'était elle, morte? Et soudain il retomba la tête entre les mains, assommé d'une douleur sincère. D'abord, il ne pensa rien, il souffrait simplement. Il voyait la tête chérie fracassée sur les pierres, les cheveux dénoués et rougis par le sang. Et un remords aussitôt le poignet, douloureusement aigu. Il l'avait laissé partir seul. Présent, il eût empêché l'accident, arrêté le cheval, que sait-on? Au moins, il se serait penché sur son agonie, recueilli son dernier regard. Elle n'aurait pas appelé, à l'heure de la suprême angoisse, vers un absent. Et tout à coup, ses réflexions d'avant la nouvelle lui revinrent. Il était libre, maintenant, de mourir. Même, il le devait. C'était à lui, à la suivre. Cette idée soudaine ne lui causa ni étonnement ni effroi. Il y était préparé. À tout prendre, la vie était lourde déjà, et voici que la raison de vivre lui manquait comme le moyen. C'était une solution. Son absolu scepticisme s'effrayait peu de la destruction imminente. Pourtant, il ne put se défendre d'un assaut passager d'anxiété à cette idée. Si elle disait vrai, pourtant, si l'on se retrouvait... Bon, l'important était de finir proprement. Après, on verrait bien, ou plutôt, on ne verrait pas. Finir, oui, et le mieux était tout de suite. Il n'avait pas de parents, pas d'amis sérieux, trouvait les écrits et la mise en scène dernière ridicule. Il alla vers une panoplie et décrocha un revolver, son ancien revolver d'ordonnance. Il avait peu de pensées. Il regardait le portrait de la morte en cherchant des cartouches dans le tiroir d'une table. En glissant la première dans le barillet, il remarqua la grosseur de la balle. Certes, il n'avait pas peur de la mort, mais une sorte d'effroi physique lui vint à l'idée du déchirement de ce plomb dans son crâne. Aussi bien, pensa-t-il, il est puéril de se suicider d'une façon si manifeste et mélodramatique. Le monde en jase. Les premiers jours on est tragique, après on reste ridicule. Mieux vaudrait une mort qui semble naturelle. Mais laquelle? Eh bien, l'imiter elle, mourir avec elle, mourir comme elle. Un accident de cheval arrive au meilleur cavalier. Il se rappelait Perdiac, tué 2 ans avant la marche. Pour tous, sa mort avait été un accident. Jacques seul, son confident, avait su l'inexorable situation du désespéré et son vouloir d'en finir. Pardieu, lui-même, le lendemain, aurait une belle occasion. Et un sourire morne passa sur ses lèvres. Une vraie fin de sportsman. Et nul non plus ne saurait jamais la crise, et que ce viveur, ce blasé, avait été capable de mourir pour le souvenir d'une extase et l'ombre d'une tendresse. Cette résolution prise, il se sentit très calme, très maître de lui. Il était souvent tombé de cheval, il savait quelle chute pouvait, devait être mortelle, en basculant sur le cou de la bête de façon qu'elle retombât sur vous, au moment où elle ressortait après le saut. D'ailleurs, c'est ainsi que Perdiac était tombé. Il n'avait pas souffert, la colonne vertébrale brisée. Et Jacques était sûr de lui. Il aurait le sang-froid de quitter les arceaux au moment précis. La mort, rapide, immédiate, était certaine. Il regarda la pendule, fut surpris de voir qu'il n'était que 3 heures. Il croyait avoir vécu longtemps depuis l'arrivée de la dépêche et il ne s'était guère écoulé que 3 quarts d'heure. Il se disposa à sortir. En prenant son chapeau, sa main rencontra le portefeuille au billet. Il ne s'en souciait plus guère à présent. Et pensait qu'il se tourmentait tout à l'heure devant cette somme pour lui dérisoire. Maintenant, il était riche. Quelle économie que la mort, pensa-t-il. Malgré lui, avec une insistance un peu puérile, il se répétait mentalement ce mot. Il était maintenant dans l'embarras des richesses. Avec la meilleure volonté du monde, il ne pouvait manger cela du jour au lendemain, et il songeait. Puis il eut une idée, au fait. Cela passerait pour une extravagance de cerveau brûlé qui joue son batou, et ce serait bien plus naturel. Il pourrait aborder les obstacles en vrai casse-cou, dans la fureur de gagner. Et les bons petits camarades qui croiraient un coup monté, éponteraient sur la bête. Et ce fut presque allègrement qu'il sortit et s'en alla au salon des courses, où il confia ses 80 000 francs à divers donneurs sérieux, en jouant sa jument, très délaissée à 20-1. On eut bien quelques surprises en voyant ses paris formidables, mais, ainsi qu'il l'avait prévu, on prit cette hardiesse pour la dernière tentative d'un joueur désespéré. Il fera le possible pour gagner, mais la jument ne serait pas capable d'un tel effort, sa cote ne changea pas beaucoup. Jacques se montra au cercle, fit un tour au bois, alla dîner, bavarda, fuguait, déclara qu'il ferait de son mieux le lendemain, puis s'en alla flâner dans les Champs-Élysées. Sa résolution ne faiblissait pas, mais toujours ce mot, la mort, bourdonnait dans son cerveau. Il croisa deux femmes dont l'une disait « Il vient de mourir » et il tressaillit. Tout à coup, une phrase de Stendhal lui revint à l'esprit. Julien Sorel, après sa condamnation, se dit qu'il ne tremblerait pas s'il devait se battre, dans un temps fixé, avec un homme très fort aux armes. « Cette comparaison est idiote, » pensait Jacques. La veille de mon duel avec d'Albert Rega, je me croyais sûr d'être tué, et pourtant je n'étais pas comme ce soir. Ce qui trouble, c'est l'absence de tout aléa. Ce Stendhal n'est qu'un pédant raisonneur. Il éprouvait quelque jouissance, dans sa vanité d'homme du monde intelligent, à constater l'insuffisance psychologique d'un écrivain, d'un analyste de profession. Vers 11 heures, il redescendit vers Paris et machinalement prit le chemin des bouffes. Il irait entendre le dernier acte et verrait la sortie des artistes. Chose digne de remarque, il n'éprouvait presque plus de tristesse. Sa douleur n'était plus qu'un souvenir effacé, lointain. Elle sombrait dans sa détermination. Seulement, comme il traversait la place de l'Opéra, l'idée lui vint qu'il devait quelque respect à sa dernière soirée. Peut-être le souvenir de la mort aimée l'arrêtait-il aussi, mais surtout un besoin confus de mettre en ses derniers actes quelque chose de digne et de réservé. Il rebroussa chemin, arpenta encore le boulevard, s'assit à la terrasse d'un café, ne parla à personne, rentra chez lui et se coucha. Comme il avait traversé dans la journée les émotions les plus fortes qu'il put ressentir, et usé toute la somme de sensibilité qui était en lui, il ne lui restait qu'une extrême lassitude, et rapidement, il s'endormit. Chapitre 3e. Il dormait encore quand son valet de chambre entra chez lui le matin. Celui-ci le réveilla. « C'est aujourd'hui que monsieur doit courir. Monsieur ne va-t-il pas voir sa jument ce matin ?»« Si, Pierre, vous avez raison. Faites atteler et venez m'habiller. Je déjeunerai par là. » Ces mots, prononcés l'air insouciant, il rassembla ses idées vagues et emmêlées encore dans des lambeaux de rêve qu'il chassait lentement. Qu'avait-il donc la veille en s'endormant et quelque chose grave pesait sur sa vie ? Il aperçut le carré bleu replié sur sa table et brusquement se souvint. Le soleil entrait largement par les rideaux ouverts. Il eut un frisson, songeant qu'il voyait là son dernier matin. Il s'habilla rapidement, insistant sur les ablutions habituelles à grand renfort d'eau froide. À 3 ou 4 reprises, il plongea sa tête entière dans sa cuvette. Il y laissa assez longtemps pour étonner son domestique, puis il sortit. La matinée était ensoleillée, jolie de cette grâce un peu mièvre des printemps parisiens. Tout en guidant son cheval à travers les Champs-Élysées, il regardait avec une attention inaccoutumée les divers aspects des choses. L'élégant soigné des corbeilles de fleurs le frappa. Il ne les avait jamais vues. Il ne dédaigna pas de considérer des ouvriers, quelques employés de commerce qui, malgré le dimanche, se rendaient le matin à leur travail. Il fut frappé de leur air de lassitude, reste de la fatigue non dissipée de la veille. Il dut arrêter net son cheval pour ne pas renverser un vieil homme qui titubait sur la chaussée. Il allait l'apostropher, mais il le vit si vague, si falot en sa démarche d'ivrogne ahuri qu'il en eut pitié. S'il avait laissé à celui-là son argent au lieu de faire un pari ridicule, quel éblouissement de miracle! Et le sentiment qui dominait en lui était de se reconnaître supérieur à tous ces gens, joués inconscients de leur destin. Lui, il savait ce que tous ignoraient, il savait l'heure où il allait mourir. Et une chaleur d'orgueil lui montait au cerveau à l'idée qu'il était, à son dernier jour, aussi hautain qu'à son ordinaire, aussi correct, aussi insouciant d'attitude. Et toutes ses pensées le soutenaient, le redressaient et l'empêchait de s'arrêter sur l'inconnu troublant de la destruction. Aussi qu'il se voyait un peu héros, un peu martyr, mourant pour une idée, un sentiment, et tout ce qu'il y avait en lui de supérieur à la vie coutumière se réveillait avec superbe. Il avait conscience de vivre un roman d'amour glorieux, et lui, qui avait envié parfois ceux qui en écrivent, les méprisait doucement. Et toutes ses fiertés intimes se gonflaient encore pour ne les révéler à aucun, pour avoir la force de contenir ce drame en lui et de le savourer seul. Qu'il avait été à la veille de se tuer parce qu'il était ruiné, ce souvenir-là était tout à fait effacé. Il arriva au champ de course, entra dans le paddock, vit son entraîneur et gaiement « Eh bien, Sandors, avons-nous notre chance ?»« Monsieur, » fit l'Anglais très grave, « la bête est bien, elle est très bien, seulement elle aura beaucoup à faire. »« Ah, les Anglais, hein ?»« Je ne crois pas, monsieur. D'abord deux partiront seulement. » C'est Jacket pour être le favori et pour faire le jeu, et ils veulent gagner avec Lord Cleve. Regardez seulement Lord Cleve. Du reste, je ne crois pas qu'il puisse faire le coup. Mais alors, Sandors, peut-être. Monsieur, au moment de monter en course, il faut toujours espérer et croire en son cheval. Mais monsieur sait bien que Pot-au-feu et Rose des Prés, ils sont meilleurs que notre jument. Plus chargés aussi. Oui, mais d'autres classes. Enfin, la bête est très bien. D'ailleurs, voyez-la. On fit sortir Comtesse Blonde, une très jolie alezane, très allongée. On lui ôta ses couvertures, on la promena dans le paddock. Jacques l'examina de tous points, la palpa, la flatta, et se déclara enchanté. En lui-même, une pitié lui venait de cette jolie bête qu'il allait sans doute sacrifier avec lui. Il quitta Sandors. « À tout à l'heure, je vais déjeuner. Monsieur sait, pas trop. » fit l'Anglais impassible. Jacques sourit. « Soyez tranquille. » Il alla dans un des cabarets du bois et se fit servir dehors à une petite table isolée. Sans se l'avouer, il avait un peu peur de la compagnie. Il ne voulait pas dépenser inutilement sa force de dissimulation et son sourire en sang-froid. Il était comme un acteur avant d'entrer en scène, avare de gestes et de paroles. Mais à travers les branches, il voyait passer des promeneurs, cavaliers, voitures en avance, chevauchées joyeuses de femmes bavardes, dans le nuage léger des voiles flottants. Et il songeait qu'il regardait tout cela pour la dernière fois. L'air subtil et parfumé lui semblait d'une douceur extrême. Il mangeait peu et ne put se garder d'un ricanement assez amer en songeant à la recommandation de l'honnête Sandors. Enfin, il quitta le café. Lui-même était frappé de son analogie avec un tragédien. « En scène, pour le 5 », se dit-il avec une ironie un peu grimaçante. Quand il arriva dans le pesage, il y avait encore peu de monde. Du reste, Laurent Stipple ne se courait qu'en troisième lieu. Il regarda sa montre et compta qu'il avait encore environ 2h30 à vivre. D'ailleurs, un flot d'amis arrivait, s'empressait. « Eh bien, il paraît que voilà le gagnant. »« Vous êtes fortement emballé sur votre chance, mon bon. Vous êtes sûr de la course? Je vais vous jouer. »« Ne faites pas cela. J'appuie ma montre, mais je ne conseille personne. » Et, très lucide, il s'amusait de ses empressements, de ses compliments, de l'enthousiasme de ses indifférents. Il découvrit sans peine, chez tous ces gens qui le sondaient, l'anxiété de savoir si on avait affaire à un cerveau brûlé ou si on pouvait risquer son argent sur une assurance sérieuse. Et de nouveau, son mépris des hommes lui revint. Il circula pourtant dans le pesage, alla voir les chevaux, les propriétaires, serra les mains, distribua des coups de chapeau aux femmes et des sourires ambigus aux questionneurs. Puis il se retira pour aller se mettre en tenue de course et, repoussant l'aide de son valet de chambre, s'enferma seul dans la petite pièce. Il avait la volonté ferme de n'en sortir qu'au dernier moment et se vêtit lentement pour occuper son temps, inspectant avec une minutieuse attention chaque détail de sa toilette. La toque noire, la casaque rayée noire et rose, la culotte bouffant des cuisses et serrée aux genoux, les bottes fines à mince semelle. Ces choses prenaient pour lui une importance extrême. De temps en temps, il s'arrêtait et s'examinait lui-même. Vraiment, il ne faiblirait pas. Il se tâta le pouls et le trouva calme. Néanmoins, une impatience où il y avait de la fièvre ramenait son regard vers les aiguilles de sa montre. « En somme, pensait-il, les jockeys qui vont courir avec moi peuvent se dire aussi bien qu'ils sont près de leur fin. Deux tours de piste, 6000 mètres, 32 obstacles, à ce train avec des chevaux qui finissent épuisés. Oui, mais avec eux, ils ne savent point que cela sera. » Il se rappelait une assez vilaine matinée de sa vie, où après une nuit de plaisir, il avait eu la curiosité bête d'aller voir une exécution. Dégrisé tout à coup devant la machine, Il s'efforçait d'imaginer les sensations du condamné depuis le réveil jusqu'à la minute dernière. Il se demandait si lui-même, en pareil cas, aurait le courage, nerveux nécessaire pour marcher droit. Et aujourd'hui, cette situation était la sienne. Cette petite chambre était sa cellule et tout à l'heure, là, dehors, devant le grand public dont il entendait les cris. « Eh bien, je n'aurais pas flanché, comme ils disent, » pensa-t-il avec une certaine satisfaction. Enfin l'heure fut. La cloche sonnait pour le grand steeple. « Il faut se montrer, » se dit-il, et il sortit, éclatant dans son costume de soie claire, la cravache à la main, souriant. Il alla se faire peser, puis s'approcha de sa bête qu'un lad promenait en main. Elle lui parut nerveuse, un peu excitée, mais très allante. « Elle aura beaucoup d'endurance, monsieur, beaucoup, » disait Saunders. « Elle vous mènera bien jusqu'au bout. » « Jusqu'au bout ?» C'était vers la fin du parcours qu'il voulait tomber. La chute paraîtrait plus vraisemblable, l'homme et la bête étant exténués. Il avait choisi le mur en terre qu'on saute à revers au dernier tour. Une cloche sonnait. Un lad prit le genou de Jacques. Il se mit lestement en selle. Comme il traversait le pesage, une voix de femme cria « Ah, le voici !» Et d'un groupe assidu, papillonnant, une grande femme blonde sortit, vêtue d'une de ces robes directoires qu'on risquait cette année-là, en soie mauve, très collante, dessinant les lignes rondes et pleines de son corps. Sa tête épanouie comme une grande rose riait au fond d'une immense capote violette. Cette femme tendit la main à Jacques, qui reconnut René Renault. « Vous savez que j'ai 50 louis sur vous, monsieur ?»« C'est de l'argent bien mal placé, mademoiselle. »« Bon, » fit-elle, et aussi sur la pointe des pieds vers le jeune homme ployé sur sa selle, elle jeta ces mots, comme une caresse, dans la figure. « C'est un caprice, mon cher. » Et elle disparut. Le front du cavalier se plissa légèrement, puis il sourit, laissa repartir sa bête. Les chevaux débouchaient de la grille l'un après l'autre. Ils étaient 11. Il était le dernier. Il lui sembla qu'un grand murmure l'accueillait. La jument eut mal l'air et à peine lâchée prit son galop. Jacques le sentit excellent. Le galop des selles l'amena près du mur en terre auquel il jeta un regard rapide. Puis il revint défiler lentement, à son rang, devant les tribunes. Une phrase s'écrivit dans sa mémoire, lue souvent dans les journaux de sport et jugée par lui prétentieusement ridicule. « Ce défilé rappelle celui des gladiateurs, Morituri te salutante. » Il commençait à trouver la formule d'une justesse singulière. D'ailleurs, sa pensée se laissait volontiers arrêter par les objets. Il n'avait plus une conscience très nette du lieu où il se trouvait. Il revoyait sa vie, un moment il se crut encore soldat. En arrivant au lieu fixé pour le départ, il vit un garde à cheval qui contenait la foule. Il remarqua une tache sur son baudrier blanc. Il allait pour lui faire reproche. Une secousse de sa bête le réveilla. Il reprit son chemin, un peu honteux. Il entendait, pendant que tous se mettaient en ligne, les cris de la foule et un cocher disait à un autre, en montrant Comtesse Blonde, « C'est ça que tu as joué ?»« Oui, mon vieux, pas la bête, l'homme. C'est un petit cabougrement du poil. » Chose étrange, ce compliment de voyou, le dernier sans doute, flatta ce gentilhomme. D'ailleurs, le drapeau s'abaissait. Jacques lâcha sa bête et la reprit aussitôt pour l'empêcher de s'élancer en tête du peloton. Une grande clameur se fit et une cloche résonna. Par un hasard, le talus fatal était le premier obstacle à sauter. Jacques le franchit correctement, la jument s'enlevant bien et rasant le faîte sans toucher. C'est là que, dans quelques minutes, on allait le ramasser, brisé, défiguré, mort. Si brave qu'il fût, il était très pâle en abordant la rivière des tribunes. Au moment où il allait la sauter, un grand cri s'éleva. Rose Després, qui menait la course, venait de rouler avec son jockey. En vrai sportsman, Jacques, ayant sauté lui-même, pensa, un de moins. Puis la vanité de ces choses le ressaisit. Il était très grave, sans penser, voyant arriver sur lui les obstacles et les franchissant d'un mouvement instinctif abandonné à sa jument pleine d'ardeur. Ah, elle était bien dans la course, elle, la vaillante bête, elle voulait gagner. Elle ne comprenait pas pourquoi son cavalier la retenait par instant. Elle voulait rejoindre le cheval de tête, Old Jacket, ou derrière lui, ce terrible pot-au-feu qui galopait magistralement en cheval sûr de la course. Mais Jacques, sans trop savoir pourquoi, la retenait au milieu du peloton à côté de Lord Clive, et les mots de Saunders lui revenaient. « Regardez seulement Lord Clive. Bon Dieu, quelle pitié, et qu'est-ce que cela lui faisait ?» Et les obstacles passaient après les obstacles, et de nouveau, voici les tribunes d'où partent des cris confus. Il faut sauter la rivière une seconde fois. Jacques a les yeux fixés sur la casaque verte de Old Jacket et la casaque marron de Pot-au-feu. Ils s'enlèvent l'un après l'autre et il ne voit plus rien. Une clameur épouvantable. Il se sent soulevé à son tour. Comtesse Blonde fait un écart en reprenant pied. Elle n'a pas voulu marcher sur un tas confus qui grouille. Il comprend seulement en se voyant en tête. Le cheval anglais a entraîné Pot-au-feu dans sa chute. Tous deux sont hors course. Maintenant, il est en avant, avec à ses côtés Lord Clive. Mais il surprend des signes de fatigue dans le galop du cheval. Il le sent pousser, ses épaules et son cou couverts de sueur. Et brusque, cette idée s'abat sur Jacques, il est maître de la course. Comtesse Blonde tire à plein bras, de la pelouse, des voix peuples arrivent à lui. « Hardy, là, Duchizy !» Il sent une sueur froide. S'il voulait, pourtant, c'est Paris, plus de 1 500 000 francs, la fortune. Allons donc, c'était une infamie. Le brook est là. Ils le franchissent sans peine. Plus qu'une rivière avant le talus. Allons, c'est à ton tour. Songe à bien mourir. Tu l'as promis à elle et à toi-même. 1 500 000 francs. C'est vrai qu'il était ruiné quand il a pris cette résolution. Et les gens qui ont parié pour lui, leur argent. Il en doit compte. Comment? C'est ignoble, songer des intérêts d'argent, tandis que... La chertaine brune aux yeux clairs l'appelle. Mais soudain, l'image se trouble, s'efface, en voici une autre, blonde, provocante, et il semble à Jacques qu'il serait tout à fait monstrueux que René Renault perdit, par sa faute, ses 50 louis. Voici la rivière. Un bond allongé de la jument, elle prend la tête. Les cris redoublent. Pour tous, la course est finie, l'anglais battu. « Je paye 2, comtesse blonde, je paye 3 !» À ce moment, Jacques Duchizy eut la vision nette qu'il avait à commettre une infamie morale, dont il était seul témoin, coupable et juge. C'est là, écrit dans les branches du grand marronnier qui ferme la piste à droite. En même temps, il sent, il voit que cette infamie, il va la faire, qu'il l'a fait, que sa volonté est captée irrésistiblement. Encore 10 foulées. 5. Ah, il sait bien qu'il ne tombera pas. Le talus. La jument s'enlève, elle retombe. Machinalement, Jacques a porté le corps en arrière. L'obstacle est derrière lui, où il devait mourir. Derrière lui, avec l'image chère, maintenant douloureuse et pâlie. Et cette fois, il ne fait plus qu'un avec sa jument. Il veut gagner, comme elle. Ce n'est pas difficile du reste. Tout le lot est battu. Seuls les sabots de Lord Clive sonnent avec un bruit mou sur les herbes grasses. Mais on entend aussi sa respiration haletante et bientôt le sifflement de la cravache qui s'abat. Peine perdue, ce bruit excite Comtesse Blonde. Rien à lui demander, elle galope dans un train superbe. Voilà le marronnier. Jacques détourne la tête. Mais ce sont les tribunes qui résonnent d'acclamations. Un cri roule et grandit comme le vent de la mer. « Comtesse Blonde ! Comtesse Blonde !» Des hurlements, des mouchoirs, des chapeaux, des parapluies, la grille du pesage qui file comme un ruban blanc déroulé, puis le poteau, la bête arrêtée, ressaisie et ruisselante par son dos rayonnant, et des vives à sans fin, et la foule qui se rue, et à la rentrée au pesage, la voix joyeuse et caressante de René Renault, criant sur toutes les autres « Bravo cher, c'est un joli coup !» Chapitre 4e. Et toi, petite épouse, dans le blanc cimetière d'Oulgat caressé par la brise marine, dors insoucieuse, dors confiante, tandis que la racine de fleurs vont chercher dans la terre où tu reposes la sève bienfaisante qui fait éclore les rouges œillets d'amour et les verveines odorantes de la fidélité. Ainsi s'achève Comtesse Blonde par Marcel Collière.